Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous abordons aujourd'hui la leçon 11. La phrase clé du jour est... S'il te plaît, il faut absolument que tu viennes. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante universitaire originaire de Thaïlande. Aujourd'hui, Anna s'entretient avec sa tutrice de japonais, Sakura. Sur ce, écoutons le sketch de la leçon 11. La phrase clé aujourd'hui est... Zehi kite kudasai. S'il te plaît, il faut absolument que tu viennes. Laissez-moi vous expliquer le sketch. Anna a dit à Sakura: samedi cette semaine, nous organisons une fête dans notre dortoir. Signifie cette semaine. No est une particule qui lie les substantifs. Doyobi signifie samedi. Ni le est une particule qui indique le temps. Ici, la particule no lie konshu et doyobi. En japonais, le substantif qui modifie précède le substantif modifié, et les deux substantifs sont liés par no. Vous avez donc appris l'expression konshu cette semaine. La semaine dernière se dit senshu. La semaine prochaine, c'est daishu. Apprenez-les ensemble. Poursuivons. Ryode signifie dans un dortoir, dans ce cas-ci, dans notre dortoir. Il est composé de ryo, un dortoir, et de de, une particule qui indique l'endroit. Party signifie une fête. O est une particule qui indique l'objet d'une action. Hirakimasu signifie avoir. Ainsi, la particule « o » indique que l'objet de « hirakimasu », avoir, est « party », une fête. Oui. « Party o hirakimasu » signifie « faire une fête ». Adrien, cette phrase n'a pas de sujet? Le sujet est omis parce qu'il est évident que les étudiants étrangers qui résident dans le dortoir organiseront la fête. Je vois. On a appris « doyobi », samedi. Pourriez-vous nous enseigner les autres jours de la semaine? D'accord. Commençons avec lundi. Veuillez répéter. Lundi, Getsuyobi. Mardi, Kayobi. Mercredi, Suiyobi. Jeudi, Mokuyobi. Vendredi, Kinyobi. Samedi, Doyobi. Dimanche, Nichiyobi. Anna poursuit. Sakura-san. ぜひ来てください. Sakura, s'il te plaît, il faut absolument que tu viennes. Sakura-san. Anna s'adresse à Sakura. ぜひ signifie absolument. 来てください. Signifie s'il te plaît, viens, qui exprime une demande. 来て est la forme en te du verbe 来ます. Venir. ください signifie s'il te plaît. Pour donner à « kimas » venir la forme en « t », vous enlevez « mas » et ajoutez « t ». Zehi kite kudasai. S'il te plaît, il faut absolument que tu viennes. C'est notre phrase clé aujourd'hui. Sakura répond. Wa, iku iku. Oh, j'adorerais y aller. Plus littéralement, oh, j'irai, j'irai. Wa signifie « oh ». C'est une exclamation qui exprime la joie. Iku iku revient à dire iku aller deux fois. Elle insiste ainsi sur le fait qu'elle est heureuse. Pourquoi a-t-elle dit iku au lieu de ikimasu? C'est une bonne question. Iku correspond à une forme de conjugaison du verbe ikimasu. On l'appelle la forme jisho ou la forme du dictionnaire. Jisho signifie un dictionnaire. Les dictionnaires japonais répertorient les verbes de cette façon. On nomme donc cette forme la forme du dictionnaire des verbes. Sakura a dit la forme du dictionnaire « iku » « aller » Si vous employez cette forme, vous prenez un ton plus familier. Anna et Sakura parlent de la même fête, mais pourquoi Anna emploie-t-elle le mot kite, venir, pour inviter Sakura à la fête, alors que Sakura répond en utilisant un mot différent, aller? En japonais, nous utilisons un verbe différent selon la perspective de celui qui parle. La perspective d'Anna est dirigée vers le lieu de la fête où elle réside. Alors, elle demande à Sakura « kite », venir. La perspective de Sakura est dirigée vers un autre endroit. C'est à partir de ce lieu qu'elle se rendra à l'endroit où se tiendra la fête. C'est pourquoi elle dit « iku », aller, à la fête. « 今度の土曜日ね ». Ce samedi, n'est-ce pas ?« 今度 » signifie « ce » ou « cette ». « No » est une particule qui lie les substantifs. « 土曜日 » signifie « samedi ».« Ne » est une particule employée pour confirmer. Nous connaissons maintenant le sens du sketch. Écoutons à nouveau le sketch de la leçon 11. La phrase clé du jour est « Zehi kite kudasai ». S'il te plaît, il faut absolument que tu viennes. Passons maintenant à notre rubrique intitulée « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris la forme du dictionnaire des verbes. S'il vous plaît, enseignez-nous comment transformer la forme verbale « mas » en forme du dictionnaire. Demandons à notre professeur. Il existe plusieurs façons de transformer la forme verbale « mas » en forme du dictionnaire. D'abord, si le verbe a la voyelle « e » dans sa syllabe juste avant « mas », on enlève « mas » et on ajoute « lu » au verbe. Par exemple, « tabemas ». Manger devient taberu. Ensuite, si le verbe a la voyelle i dans la syllabe juste avant mas, il y a deux modèles pour sa conjugaison. Dans le premier, vous enlevez mas et le remplacez par lu. Par exemple, olimas. Descendre devient oriru. Dans le second, vous enlevez mas et changez la voyelle i devant mas pour la voyelle u. Ainsi, dans ikimas, aller, vous remplacez ki par ku et vous obtenez ik. Deux verbes irréguliers ne correspondent pas à ces modèles. Il s'agit de kimas, venir, et de shimas, faire. Kimas devient kuru et shimas devient suru. Il n'y a que ces deux verbes, mais ils sont fréquemment employés. Veuillez bien les apprendre. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous traitons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Plusieurs expressions permettent de décrire nos émotions. Waku waku. Waku waku ? Faut-il employer cette expression lorsqu'on est surpris ? Non, il faut l'utiliser lorsqu'on est submergé de joie ou d'espoir. Il existe une expression analogue. Uki uki. Cette expression indique la joie et l'entrain. On l'emploie lorsque l'on sent que tout va bien se passer. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons, aujourd'hui, nous vous avons parlé de waku waku et uki uki. Avant de terminer, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est la rubrique les tweets d'Anna. Sakura-san vient à notre fête. Aimera-t-elle la nourriture thaïlandaise que je vais préparer? Je me sens waku waku. Avez-vous apprécié la leçon 11? Notre phrase clé aujourd'hui était Zehi kite kudasai. S'il te plaît, il faut absolument que tu viennes. La prochaine fois, nous vous parlerons de la fête. Nous comptons sur vous pour cette prochaine leçon.